Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ahmed Boudrouz. Yeah, ouais, je suis très très très heureux d'être là parmi vous. Et voilà, donc je vais vous donner, je vais ouvrir un petit peu le coffre-fort qui est fermé à beaucoup de gens. Et là, je vais m'ouvrir à vous pour vous donner des infos qui sont classées défense, secret défense. Eh bien, on est impatients de connaître ça. C'est vrai que dans Galère d'humoriste, des fois, on a eu des anecdotes bien croustillantes. Ah là, je t'avoue qu'on est passé par des étapes qu'on aurait pu mettre dans Fort Boyard, la vérité. Et je suis pas sûr qu'il y en a qui s'est sorti de là avec des clés, la vérité, franchement. En plus, toi, t'es quelqu'un qui a beaucoup de kilomètres. Donc, tu connais... Ça fait combien de temps que tu fais de la scène, toi? Bah, écoute, moi, j'ai commencé... nous étions deux, j'ai commencé en 2001. Ah oui, d'accord, donc ça fait 19 ans déjà, et bientôt 20 ans, bah du coup, tu as commencé la scène. Donc c'est pour ça, quand je dis que tu as du kilomètre, vraiment, tu dois avoir des anecdotes de dingue. Ah frère, des anecdotes, on en a dans tous les sens, il y a à boire et à manger, je te dis. Et Dieu sait que ça me parle, à boire et à manger. Ça fait partie, t'es obligé, c'est le carburant de l'être humain, on n'a pas le choix. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, des anecdotes croustillantes, oui, on t'écoute. Écoute, voilà, donc faut savoir, pour ceux et celles qui me connaissent, donc mon fond de commerce, moi, c'est l'autodérision. Donc voilà, mon spectacle s'appelle « J'ai une sale gueule et alors ». Donc fatalement, je n'ai pas un faciès facile. Hein, toi qui me connais, qui m'as déjà rencontré, tu sais que je suis quelqu'un d'adorable, avec un grand cœur, mais physiquement, ça, voilà, j'ai une tête qui donne l'impression d'être le contraire. Tu vois, j'ai une tête vraiment, une gueule, comme on dit, tu vois. Oui, oui. Et donc alors, je me suis pointé une fois pour aller jouer dans un casino à Bruxelles. Quand je suis arrivé, il y a la dame qui m'a vu rentrer. Elle m'a dit « Monsieur, les coffres sont vides. Nous n'avons pas d'argent ici. » je venais jouer et j'étais avec Charline Aubert. On était venu pour jouer, tu vois. Et je pensais qu'en étant avec lui, je pense que les gens allaient le reconnaître. Et voilà. Donc non, elle a vu que moi. Même si j'avais été avec le plus grand nom de la scène, je pense qu'elle était vraiment sur moi. Et elle m'a dit « Monsieur, les coffres sont vides. » Oh là là là là. Mais c'est tellement… Oh, si elle était tombée sur un vrai braqueur ou quoi, elle ne lui aurait pas dit ça quand même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoute, elle s'est excusée mille fois, la pauvre dame, quand elle m'a vu jouer. Et grâce à Dieu, j'ai fait une belle prestation. Et elle m'a dit « Monsieur, je suis vraiment désolé. » Et elle m'a dit « Je n'oublierai jamais ce moment. » Mais est-ce que tu en as parlé sur scène, du coup, quand tu étais sur scène devant elle? J'en ai parlé et j'en ai fait un sketch, tu vois. Je parle de ça, je dis quand j'arrive quelque part. Et d'ailleurs, j'ai un sketch où je dis que j'ai été joué dans une prison, tu vois. Et ouais. quand j'ai voulu sortir de la prison, il y a le gardien qui m'a dit « Oh, tu vas où ?» Tu vois. Oui, je suis l'humoriste qui a joué. Il me dit « Moi aussi, je suis Jamel Debbouze. » Je suis resté 6 mois là-bas, tu vois. Et tu sais que j'ai sillonné les scènes un peu partout en Europe et aussi en Afrique, tu sais, avec les MRE et l'Afrique du Rire. Mm-hmm. Et j'ai joué dans pas mal d'endroits, et notamment des beaux endroits et des endroits un peu plus délicat, tu vois, frère, une fois je suis arrivé dans un théâtre, j'avais l'impression qu'ils avaient tourné ça ou quatre et qu'ils avaient oublié d'enlever le décor, tu vois. C'était sale. C'était surtout très très abîmé, tu vois. Et je me rappelle, tu sais, moi j'ai une entrée assez explosive sur une musique où je danse, où je saute, et là, je te jure, je rentre. Et je me rappellerai toute ma vie, je rentre et je dis « Ouais, bam !» Et j'ai traversé la scène. Le plancher était pourri et j'ai traversé la scène. Je me suis retrouvé un mètre plus bas. Oh mon Dieu. Non, parce que d'habitude on dit qu'on monte sur scène pour brûler les planches, pas pour percer les planches, tu vois. Écoute, là, j'ai fracassé les planches. Je te jure, c'était vraiment… Il y avait des champignons sur les murs avec l'humidité. C'était… Le grand bleu, mais tu vois, dans les loges. Oh. Oh là là là là. Est-ce que les gens sont venus te voir après pour te dire ce soir, t'as tout cassé? Hey, depuis, on m'appelle le menuisier, on m'appelle Gepetto, tu vois, je veux dire. Parce que j'ai traversé les planches. Hey, mais j'ai mieux que ça encore. J'ai mieux que ça. Tu sais qu'une fois, j'arrive dans un théâtre et il n'y a pas de loge. Et le type me dit, monsieur, on a improvisé un petit endroit sur la scène même. Donc, c'était un plateau d'humour, on était 6-7. Et il met, si tu veux, deux crochets avec un manche de brosse et un espèce de drap. Et j'étais censé me changer là-bas. Et pendant que le gars joue, parce que j'étais le suivant, pendant qu'il joue, je vais là et je me change. Et malencontreusement, avec mon coude, je touche le drap. Et le drap tombe alors que j'étais dans une position délicate, comme tu peux l'imaginer. Et alors là, le gars s'est arrêté, il s'est retourné vers moi, le gars qui jouait, et le public, plus un mot. Et là, le gars, il est parti, il partait, il a flippé. Et moi, je suis arrivé, j'ai écouté, monsieur, dame, moi, je vais vous dire ce qui se passe ici. C'est que moi, j'ai un problème de timing, j'arrive toujours en retard, donc j'ai décidé de dormir sur place. Donc voilà. Moi, j'habite là. Voilà, je suis ici, voilà, donc j'avais pas le choix, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. Ben c'est génial d'avoir cette force de pouvoir transformer, tu vois, genre une galère en un truc marrant au final, tu vois, parce que tu as une belle capacité d'improvisation. Moi, je te connais, tu vois, et vraiment là, c'était du pain béni pour toi. Écoute, C'était vraiment. génial. Mais je t'avoue qu'après, je me suis fâché quand même avec l'organisateur parce qu'il n'a pas, il a pas fait les choses dans les règles de l'art. Il nous a pas accueillis comme il se doit. Parce qu'on venait de loin, en plus, on venait de loin, mais voilà, donc c'est ça que j'étais un petit peu fâché, mais bon, tu sais, je ne suis pas quelqu'un je suis quelqu'un de pas rancunier, donc je vais juste faire la remarque qu'à l'avenir, s'il devait travailler avec des humoristes, il fallait absolument qu'ils fassent attention à ce genre de choses, de les mettre bien et de voir un peu de quoi ils ont besoin, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ben c'est le minimum, tu vois, genre accueillir les gens correctement. Moi, je te comprends tout à fait. C'est pas normal d'arriver et de devoir se changer sur la scène, quoi. Enfin, c'est quand même bizarre. C'est, je sais Écoute, pas. c'est le seul espace qu'il a trouvé pour qu'on puisse se changer. T'en veux encore ou pas? Ah ben à fond. Moi, je suis preneur. Hein. Là, tu me régales, Total. là. Écoute-moi, je vais jouer dans une ville ici en Belgique et c'est un endroit mythique, tu vois. Et si tu veux, malheureusement, ici en Belgique, on fonctionne comme ça. Si tu veux, c'est les humoristes où ils prennent l'entrée, tu vois. Et si c'est dans l'occurrence, si c'est un bar, le gars, le propriétaire prend toutes les consommations au bar, tu vois. Donc, quand ça se passe comme ça, le propriétaire ne se casse pas la tête à faire de la promotion. Parce qu'il se dit que peu importe ceux qui rentreront, ils consommeront, ce sont pour moi. Donc, alors que moi, je pense plutôt que, et pour les artistes et pour lui, plus il y a de monde, mieux c'est. Pour les deux, c'est Mais du évidemment, win-win. Donc, bien ce sûr. jour-là, bon, quand j'ai joué là-bas, ben, j'écoute, c'est vrai qu'il n'avait pas fait de promo. Et alors, ce petit théâtre à côté, tu as une salle de concert. Je joue là-bas, je ne vais pas te mentir, il y avait 5 personnes dans la salle. Oh là là là là. 5 personnes, et je devais jouer 45 minutes. Et à côté, dans la salle de spectacle, il y a un groupe mythique ici en Belgique, et surtout dans la région d'où je viens, donc Liège. Ça s'appelle les Gofosuk. Donc c'est vraiment, si tu veux, c'est l'équivalent de, comment est-ce que je pourrais dire, un peu, allez, c'est un truc folklorique, tu vois, qui chante avec un Ouais. accent bien de chez nous et qui chante des chansons un peu paillardes comme ça, tu vois. D'accord. Ils ont, voilà, donc à côté, c'est blindé, Ouais. 300 personnes. Et alors, bon, le mur très très fin, donc tu entends, t'entendais. Donc moi je joue, donc tu imagines l'ambiance avec 5 personnes dans mon théâtre et j'entends à côté, tous ensemble, on y va, ouais! Une ambiance de dingue, tu vois, impossible de se concentrer. Les gens écoutaient plus la musique que moi. Et à un moment donné, j'ai dit, vous savez ce qu'on va faire, monsieur, dame? On va aller rejoindre les Gofosu qui vont aller passer une bonne soirée, tu vois. On est parti, on était voir le concert des Gofosu. Non, mais c'était un truc de dingue, franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ah là, j'avoue que c'était pas mal. Et c'est dommage que quand les gens jouent pas le jeu, tu vois, de faire de la promo et tout, c'est pas normal, tu vois. Parce que plus il y aura de monde, mieux ça va être pour les artistes et pour le lieu. C'est vraiment dommage, quoi. Voilà, ça c'est un peu dommage. Donc maintenant, ce qu'on fait quand on va jouer dans des endroits, donc maintenant on fait beaucoup de plateaux ici, on est 5-6. Il y a Facebook, mais bon, Facebook, c'est pas, il y en a beaucoup qui ne l'ont plus, qui ne l'ont pas. Donc, on essaye d'aller mettre des flyers un peu partout dans la ville, tu vois. On arrive plus tôt, tu vois, on arrive plus tôt dans l'endroit quand c'est trop loin de chez nous. Et voilà, quoi. Et on va distribuer dans le centre-ville, etc., tu vois, pour essayer d'assurer au moins un minimum, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, quoi. Sinon, des anecdotes, j'en ai avec les MRE, j'ai eu des anecdotes avec Boudet, c'est des trucs de malade, tu vois. On a passé, on a pas. Et toi, t'as aimé cette Ouais, tournée? C'était très sympa, tu vois. C'était la première fois que je jouais. J'avais joué une fois vite fait dans un festival à Casa, mais sinon, c'était vraiment la première fois que je faisais un vrai festival au Maroc. C'était très, très cool. On en a parlé un petit peu l'autre jour dans le podcast avec David Oupa, et Ouais. on était Oh, dans la même ouais, édition. David aussi, il a fait, ouais. Ouais, bah Mais... c'était une très belle expérience d'aller jouer là-bas, tout ça. Bon. L'édition que j'ai faite, moi, 1 et 2, c'était extraordinaire. Extraordinaire. C'était vraiment, disons que, on a sillonné il y a eu des trucs un peu, voilà, c'est-à-dire que tu avais un peu d'improvisation par rapport à des villes qui étaient malheureusement pas complètes, on a dû improviser, changer de ville. Enfin, mais ça a été, voilà, il y a eu beaucoup de choses, comme tu dis, des détails qui ont fait que, mais sinon, au final, les rencontres, l'ambiance, etc., c'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'on en apprend toujours, hein, même après 19 ans ou 20 ans de scène, on en apprend toujours, tu vois, donc C'est voilà. sûr. Et de tout le monde, du public. Tu sais, moi, j'ai un sketch, je sais pas si tu te rappelles, le ticket de loto. Et si tu veux, moi, je pars du principe que quand quelqu'un te donne des conseils, tu vois, peu importe qui c'est, il n'y a pas besoin d'être comédien ou humoriste pour te donner un conseil. Il y a une vieille dame qui m'avait dit, parce que le ticket de loto, je le faisais de côté, tu vois. Je disais, il est où le ticket? Le ticket, il est où? Je le faisais de côté. Et cette petite dame m'a dit, monsieur, comme vous travaillez beaucoup avec votre gueule et que c'est votre fonds de commerce, faites-le de face. Et si tu veux, je le faisais de face. Donc, je parle. La dame, c'était le public. La dame à qui je m'adressais, c'était devenu le public. Et c'est vrai que ça a eu beaucoup plus d'impact, tu vois. Donc, j'essaie d'écouter un petit peu ce qu'on me dit et je prends conseil des gens, quoi, tu vois. Oui, il faut toujours écouter les retours qu'on nous donne, et puis après, il y a des choses, tu vas être pour et d'autres, tu vas être contre, mais il faut écouter les conseils de base et ensuite en faire ton choix à toi. Est-ce que tu as envie de changer et d'écouter ce conseil ou pas? Mais on peut avoir des conseils du public, on peut avoir des conseils de collègues, on peut avoir des conseils de gérants de salle et tout, tout est possible. Mais en tout cas, pour en revenir au festival et tout, ce que tu dis, c'est exactement ce que disait David Doupa aussi, c'est que on a passé un moment magnifique et les rencontres surtout, c'était génial. Tu vois, voilà, on a joué avec des personnes avec qui on n'aurait certainement pas joué en temps normal, donc ça fait plaisir quoi d'avoir pu partager tout ça. Ben, merci beaucoup Ahmed pour ces belles Sofiane, anecdotes. prends soin de toi, hein, Merci. et sache que toi aussi, tu es quelqu'un d'exceptionnel, je te jure, tu es Ah. quelqu'un d'exceptionnel. Et de très talentueux. Et j'ai qu'un regret, c'est de n'être jamais venu à Bordeaux. Et je devais faire d'une pierre deux coups parce que j'ai ma tante qui est là-bas qui a des problèmes de santé. Et je me dis, je vais aller voir ma tante et je voulais venir te voir. Et malheureusement, avec le Covid et tout ça, malheureusement, voilà, c'est très compliqué, tu vois. Mais Et là ça va j'espère. reprendre. Je te remercie, je te retourne le compliment. J'espère. Et bien sûr, quand les scènes, Inch'Allah. bah, quand les scènes reprendront, tu seras le bienvenu, Inch'Allah, vraiment, quand tu as envie de Tu seras venir. bienvenu ici aussi. Moi, j'ai une scène ici à Liège qui s'appelle le Fight Comedy. Ça se passe dans une salle de boxe, dans la salle de boxe de mon frère. Donc, il n'y a pas de Génial. battle. Il n'y a pas de battle. C'est un ring au sol. C'est juste l'entrée qui est extraordinaire. Au gala de boxe, tu montes avec un peignoir, avec des gold box et tu joues avec un gold box, tu vois. D'accord. Est-ce que vous avez des peignoirs en XXL? On a des peignoirs. En fait, pour toi, on va prendre un chapiteau de cirque. On va faire deux trous. Avec grand Avec plaisir. plaisir. Bon, Franchement, où en est-ce tout qu'on peut cas, te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux? On tape Ahmed Boudrouz? Ahmed Boudrous sur Facebook, Instagram, Ahmed Boudrous. Voilà, c'est Ok, super. les seuls de. Et alors, bon, dans les beaux tribunaux, tu peux me trouver aussi. Tribunal de grande instance, Oh, évidemment. d'instance, évidemment. On est toujours là, il y a toujours un dossier, tu vois, qui n'a pas été élucidé, quoi, tu vois. Écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.